de ta main dans la mienne. Et ce sourire en coin qui disparaît. Ce visage qui rayonnait n'est plus le même. Ce regard hagard semble vouloir s'éteindre. Ne t'en va pas, reste avec moi. Tout ce qu'on s'était promis de faire, on le fera. Je t'en prie, réponds-moi. Si tu t'en vas, moi je ferai quoi? Ne t'en va pas, reste avec moi. Ne me demande pas de faire sans toi, j'y arriverai pas. Reste avec moi. À quelques heures à peine où tu me demandais de rester avec toi, mais je ne l'ai pas fait. Je voudrais tant que tu me parles, mais tu respires à peine. Lentement tes paupières se referment. Ne t'en va pas, reste avec moi. Tout ce qu'on s'était promis de faire, on le fera. Je t'en prie, réponds-moi. Si tu t'en vas, moi je ferai quoi? Ne t'en va pas, reste avec moi. Ne me demande pas de faire sans toi, j'y arriverai pas. Reste avec moi. Ne t'en va pas, j'ai encore besoin. Ne t'en va pas, reste avec moi. Tout ce qu'on s'était promis de faire, on le fera. Je t'en prie, réponds-moi. Si tu t'en vas, je ferai quoi? Ne t'en va pas, reste avec moi. Ne me demande pas de faire sans toi, j'y arriverai pas. Reste avec moi. De ta main dans la mienne. Mère de ma mère, ma lumière, tu t'éteins.